Me lo conto. Bene. Des fêtes de fin d'année, je traîne ma mauvaise humeur, une mine de déterré. J'ai les boules de Noël, elles sont bien accrochées. Donc j'arrive chez un tel et je le fais flipper. Je lui parle des guerres, des enfants morts de faim, des vieux du RPR, jusqu'au petit matin. J'appelle le gâcheur des fêtes de fin d'année. Je traîne ma mauvaise humeur, une mine de déterré. On m'appelle le gâcheur des fêtes de fin d'année. Je traîne ma mauvaise humeur jusqu'à l'année passée. Je fais hurler à la mort les pires des bouts en train. J'ai même fait pleurer Garcimore sans me forcer la main. Je suis le croque-mort des soirées entre amis. Je suis le Dark Vador, distille l'ennui. Les ennuis, on m'appelle le gâcheur des fêtes de fin d'année. Je traîne ma mauvaise humeur, une mine de déterré. On m'appelle le gâcheur des fêtes de fin d'année. Je traîne ma mauvaise humeur jusqu'à l'année passée. Olé, olé. On s'amuse, on rigole, on fait une chenille, et hop, les lendemains de fête, pour moi, sont les plus beaux. Car alors, tout s'arrête, la neige et les grelots. Chaque année, j'ai choisi une famille différente. Souvent chez des amis, un requiem, je chante. On m'appelle le gâcheur des fêtes de fin d'année. Je traîne ma mauvaise humeur, une mine de déterré. On m'appelle le gâcheur des fêtes de fin d'année. Et oui, c'est moi, je traîne ma mauvaise humeur jusqu'à l'année passée, jusqu'à l'année prochaine. Youpi, youpi. S'il y en a une. Et joyeux Noël. Gaz.